j'ai gravé le mot « I love you » pour la Saint-Valentin. En passant par Suresnes, la belle j'ai rencontré. C'est moi. Et mon ange ou sirène, elle m'a comme envoûté. Je lui ai dit je vous aime et elle ne m'a pas repoussé. Je t'aime. Simple et fière comme une reine, sa main elle m'a donné. Donne-moi ta main sur un baobab. En passant par Suresnes, la belle j'ai rencontré. Ah bah ça me fait plaisir. Et dans mon cœur est gravé. J'ai gravé le mot I love you pour la Saint-Valentin. En passant par Suresnes, toujours me souviendrai de la fille si belle. C'est moi. Aux yeux d'un bleu violet. Je comprends rien. Et dans l'eau de la fontaine, j'ai bu à l'eau de vie. Et les cris de ma sirène hantent toujours mes nuits. En passant par Suresnes, mon cœur s'est détaché. Et dans l'eau de la fontaine, comme un souffle est resté. Je ne connais pas Suresnes. Et j'ai tout inventé. Faut bien me dire une chose, je comprends rien. Je cherche une sirène à la désespérée. J'ai de l'amour fou en manque d'étabales de baisers. Ah bah ça me fait plaisir. Et mes mains pour conduire à la danse de celle que j'aimerais. Hop hop hop. Si je passe par Suresnes, en revenant du front, et si je vois une sirène, je finirai ma chanson. Tu peux essayer de d'éviter qu'on aille un blanc.